Comment penser la crise du logement ? Quand il y a une grande crise, quelle qu'elle soit, une crise économique, une crise politique, nous faisons des métaphores qui sont liées à la terre, à notre rapport au sol. Nous disons qu'il y a un tremblement de terre, nous disons que le sol glisse sous nos pas, nous disons que le sol a tremblé, a bougé, nous comparons toute crise à un glissement de terrain, à quelque chose qui vient menacer notre manière même de vivre sur la terre. Et cela n'est pas un hasard. Peut-être qu'en effet, le fait d'habiter le monde, d'avoir un minimum de stabilité, même dans un esquif, dans un radeau, dans un bateau, dans une arche, dans quelque chose de mouvant, dans une tente, il y a des nomades aussi sur la terre, mais le fait d'avoir un minimum de lieux familiers qui ne tremblent pas, un cadre qui ne bouge pas, est fondamental. Et c'est pourquoi les crises du logement sont les plus fondamentales de toutes. Dans la crise de 2008, qui a commencé par les subprimes aux États-Unis, c'est d'abord en expulsant les gens de chez eux, des emprunts qu'ils ont faits, qu'on les a dépossédés, et peut-être que cela a conduit aux grands extrémismes d'aujourd'hui. Dans la crise en Grèce, en effet, il n'y avait pas d'impôt sur le logement, et tout à coup, les normes européennes ont déstabilisé le rapport de toute une société au fait d'habiter. Ainsi, l'habitat, le logement sont au cœur aussi de la société. Le mot même de logement le dit, c'est un mot assez abstrait, un mot qui signale que les humains n'ont plus de lieu fixe sur la terre, non plus d'habitation donnée, que c'est au social de s'en occuper. Ce mot un peu abstrait, le logement comme des cases dans un jeu de société ou des fenêtres dans un grand immeuble. Loger, c'est caser. Loger, c'est le lieu un peu industrialisé, un peu inhumain d'un habitat peut-être réduit à sa fonction sans être un véritable milieu humain précisément. Or, cette crise du logement, il faut y répondre donc de deux façons. Bien entendu que chacun est un logement, car sinon c'est le monde qui s'écroule, c'est les grandes violences qui commencent et on peut le prédire à coup sûr. Mais que ce logement soit véritablement une habitation, qu'il ne soit pas seulement une case fonctionnelle dans des espaces anonymes, car la première fonction de l'habitat, la première fonction du logement, c'est précisément de faire que le monde ne soit pas anonyme, que nous vivions dans un espace doté de sens, d'adresse, un espace où la subjectivité se voit. C'est pourquoi nous décorons nos habitations, nous mettons des images au mur, nous mettons des signes à tous les endroits. Les logements humains sont saturés de signification, et déjà d'ailleurs sans doute les habitations des animaux, des autres vivants, ne sont jamais seulement des espaces fonctionnels anonymes et objectifs, mais des logements subjectifs et vivants. La crise du logement est non seulement une première obligation sociale et une première menace sur la société, mais aussi, si on la résout complètement, une manière de situer une société humaine dans le monde, de faire partager un espace commun dans les villes et dans les campagnes, car cela vaut pour tous les espaces humains. Et finalement, la crise du logement devrait nous indiquer en creux la réponse à tous les malheurs du monde.